Nous allons essayer, Inch'Allah, de résumer pour ces 10 minutes l'essentiel du thème que le cheikh vient de présenter et qu'il va reprendre, Inch'Allah, dans la khutbah. Donc il s'agit du thème de l'éducation et de l'encadrement. Éducation et encadrement. Et dès qu'on dit ces mots, on pense directement aux jeunes. C'est ceux que l'éducation et l'encadrement concernent le plus. Il faut s'inspirer toujours effectivement du Coran et de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir les lignes directrices. On avait déjà dit, on l'a répété et on répète aujourd'hui que les deux motifs principaux qui doivent guider l'éducation et l'encadrement des jeunes, ça doit être le motif de l'amour et le motif de la bienveillance. En fait, tu éduques un jeune parce que tu l'aimes. Tu l'éduques aussi parce que tu lui veux du bien. L'amour et la bienveillance. Tu ne veux pas qu'il tombe dans les trous dans lesquels peut-être toi tu es déjà tombé une fois et tu t'es relevé. Parce que certains de tes trous, certains de tes pièges, il en est certain que quand on tombe dedans, il est difficile de se relever. Il est difficile de se partager. Il est difficile de revenir sur la bonne voie. Donc voilà les deux grands motifs de la bienveillance. Ar-Rahman, donc Wafamulhaya. Ar-Rahman. Donc le mot vient d'entendre, mais là-dedans, il y a l'amour aussi, il y a le mahabbat. Mais aussi, il y a Fabulhaya et l'amour. Tu as la bienveillance, tu lui veux du bien, tu veux qu'il réussisse, tu veux qu'il s'éloigne des dangers, tu veux qu'il soit sauf et sain. Il faut toujours dire aussi que l'éducation dans l'entendement musulman, c'est quelque chose de long. Parce que ça commence dès le bas âge. Sachant que si on donne une définition de l'éducation, ce n'est simplement que le fait d'entretenir la flamme vivante de la bonté qui est en chacun d'entre nous, cette flamme qu'on appelle Al-Fitra, cette prédisposition à aimer le bien et détester le mal, ça y est, en chacun d'entre nous. Cette prédisposition, cette flamme, ce flambeau, hein, cet amour du bien et le fait de détester le mal, ça y est en chacun d'entre nous. C'est la fitra, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran, fitratallahi allati fatarannasa alayha. Voilà la prédisposition, voilà la foi, voilà aussi l'amour du bien dont Allah subhanahu wa ta'ala a programmé le logiciel dans chacun d'entre nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé cela en disant kullu mauloudin yuladu ala al-fitra. Tout nouveau-né vient au monde avec cette fitra. La fitra est un mot qui est difficile à traduire chez les grands savants et les spécialistes juste parce que c'est un mot valide. C'est un mot cadre. C'est un mot qui fait rentrer plusieurs notions. On ne peut pas le traduire seulement par un seul mot. Mais le paramètre dans ce mot qui nous intéresse le plus ici, c'est le fait qu'on aime le bien sous toutes ses formes et on déteste le mal sous toutes ses formes. Al-Fitra. Donc, puisque chaque nouveau-né est né avec cette prédisposition, l'éducation, finalement, ce n'est rien d'autre que d'entretenir cette prédisposition. Ou bien, au cas où elle avait été effacée, occultée ou oubliée, le fait de la réveiller, le fait de la ramener au grand jour, voilà donc, une définition générale de cette éducation-là. Elle est forcément longue, d'où on comprend cette parole que souvent on considère comme un hadith, mais chez les spécialistes du hadith, ce n'est pas un hadith. Le fait que c'est une des chazettes des hikam, le fait que ton enfant, tu as plus l'approche du jeu avec lui pendant les 7 premières années, tu le considères comme un gamin, tu joues plus avec lui, c'est plus une relation d'amusement avec lui qu'une relation de punition, au cas où il se trompe. C'est plus une relation d'amusement avec lui, de jeu avec lui les 7 premières années. Et les 7 suivantes, c'est plus une relation de compagnie. Tu commences à lui montrer que je le considère comme moi. On avance ensemble pour aller vers le succès sur tous ses plans. Et le troisième, les 3 dernières années, c'est plutôt une relation de libération. Tu commences maintenant à lui dire, va découvrir le monde toi-même. Comme on dit, da'ibhu aw la'ibhu sab'an wa fahibhu sab'an, etc. Mais cela, chez les spécialistes de hadith, n'est pas un hadith du prophète. Quand même, c'est une sagesse qui est effectivement importante à retenir. L'éducation, donc, surtout quand on est dans un contexte cosmopolite, où il y a plusieurs peuples, plusieurs nations, plusieurs influences externes, internes aussi, un des services qu'on peut rendre à nos enfants dans une approche éducative, c'est surtout aussi d'essayer de concilier harmonieusement en eux les deux, trois, quatre identités qui semblent se choquer. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait des conflits identitaires chez un jeune, parce que ces conflits identitaires-là l'empêchent d'avancer. Qu'est-ce que je veux dire clairement? Un jeune musulman qui vit dans ce pays et qui considère que sa religion n'est absolument pas compatible avec la vie dans la cité, il lui est difficile vraiment de faire quoi que ce soit, de réussir quoi que ce soit. Il faut qu'il arrive à comprendre que cette religion est une religion universelle, une religion qui s'adapte partout, une religion qui est aussi ouverte à tout le monde, une religion qui est là pour servir la relation qu'on entretient avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans la verticalité, mais aussi pour servir la relation qu'on entretient avec ses voisins, donc dans l'approche horizontale. Donc, aussi bien servir sa religion que servir la société, ça peut aller ensemble. Et les deux peuvent réussir ensemble. Donc, tant qu'un jeune est dans ce conflit en se disant que « Mais je ne peux pas être un bon musulman en étant un bon citoyen », il est difficile d'avancer. Donc, aider les jeunes dans une approche éducative, c'est aussi leur faire savoir que c'est tout à fait compatible d'être un citoyen modèle, mais en même temps d'être un musulman modèle. C'est tout à fait compatible. Et donc, effectivement, l'aider à cela avec tous les moyens, la science, hein, connaître bien sa religion, avoir une aqida solide, mais aussi la pratique religieuse saine, mais aussi une sorte d'équilibre. Parce que, comme le disait le prophète Allah, les meilleures des choses sont celles qui sont les plus équilibrées, qui sont les plus modérées, qui sont les plus au juste milieu. Je m'inspire de ce verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté comment Sayyidina Luqman alayhi salam parlait à son fils dans une approche éducative. Le premier conseil qu'il lui avait donné, c'est de lui dire « Wa ilqa la luqman ibnihi wa huwa ya'ibuhu ya bunayhi la tushrikillah illa shirkan azim ». Le premier conseil qu'il a donné à son fils, c'est de lui dire « Ya bunayi, oh mon fils ». Et le mot, dans la façon de dire « Ya bunayi », il l'a mis au diminutif. Ça veut dire, ça ne veut pas dire « Oh mon enfant », ça veut dire « Oh mon petit enfant ». « Bunayi »,« Fouayi ». »« Ya bunayi, oh mon enfant ». C'est-à-dire, il y a cet amour, cette rahma dedans. Il veut lui montrer que je te conseille parce que je t'aime. « Al-rahma »,« Al-mahabba ». Et parce que je te veux du bien. « Ya bunayi, oh mon fils, adoré ». Entre guillemets, la tushrik billah, n'associe rien à Allah. En fait, il lui dit la première chose que tu dois avoir, pardon, c'est une aqida pure. N'adore rien ni autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et une aqida solide, saine. N'adore que Allah. Que ta foi soit ferme, solide. Crois en ta religion. Tiens à ta religion, où que tu sois. Applique-la, où que tu sois. Sache que aussi cette religion, elle est là pour faire du bien à tout le monde, à tes compatriotes, à tes co-religionnaires et pour servir vraiment l'humanité. L'Aliya Bounaï et la Bishrik Billah, il n'a shirk al ghulul azim. Et il lui dit, le fait d'associer quoi que ce soit à Allah, le polythéisme, sous toutes ses formes, c'est un grand péché. Il n'a shirk al ghulul azim. Wa bzaritina ajat Allah wa jara l'akhira, wa la tante nasibaka min al dunya, wa la yutiha. Il est aussi bien de retenir que cette éducation-là qu'on doit faire, ce n'est pas du côté seulement des enfants qu'on dira que ça échoue. Je veux dire, si il arrive qu'un jeune n'ait pas une éducation modèle, il arrive souvent qu'on... La plupart du temps, c'est comme si on rejette la faute sur le jeune qui, peut-être, disons, est raté. Le jeune qui est mal éduqué, etc. Souvent, on rejette la faute sur lui. Alors que la faute n'est pas toujours de son côté. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que les parents aussi sont engagés dans l'éducation. C'est les premiers à être engagés dans l'éducation. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Kullukum ra'i wa kullukum mas'oulun an ra'i. Chacun d'entre vous est un berger. Et chacun d'entre vous sera interrogé sur son propos. Chacun d'entre vous est berger et chacun d'entre vous sera interrogé sur son troupeau. Donc, il est bien que dans l'éducation, que les parents prennent les devants au lieu d'arriver à un moment où on se dit, allez, ce jeune, il est égaré, il est foutu, il n'y a plus rien à faire. Si on avait pris en amont les bonnes façons de faire, lui montrer les bonnes façons de faire, l'éduquer, le conscientiser à la notion de patience, d'endurance, d'amour du travail, hein, d'amour du service public, service aux autres, d'altruisme, le fait d'aimer l'autre, etc., etc. Peut-être qu'il n'arriverait pas à ce point où il est tellement violent, où il déteste tellement le travail, tellement paresseux, bref, tous les défauts, à ce point-là où on se dirait qu'il n'y a plus de retour en arrière. Donc si on avait pris les devants, dans les maisons, par exemple ton enfant, petit qu'il soit, il a fait un certain tort, roule à son voisin à côté, soit en jetant quelque chose dans sa fenêtre, ou bien en jetant des ordures devant chez lui, etc., etc. Mais c'est aux parents vraiment de le conscientiser. Il ne faut pas qu'ils disent, s'il n'est pas éduqué, la police l'éduquera. Ou bien s'il n'est pas bien éduqué, de toute façon, il faut que je ne sais pas, ce n'est pas grave. Non, non. Il faut que les parents prennent les devants, surtout le père, qu'ils prennent les devants, qu'ils leur montrent vraiment l'importance d'aller étudier, chercher la science, connaître leur religion à fond, mais aussi étudier à l'école. Je veux dire, une des causes de l'échec de l'éducation, c'est aussi l'échec scolaire. L'abandon scolaire, quitter l'école trop tôt. Ça, c'est comme si ça ferme les portes de la réussite à l'enfant. Donc l'abandon scolaire, l'absentéisme, hein, échec scolaire qui en résulte finalement, c'est quelque chose qui met en danger l'enfant donc dans son éducation. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est que le thème est vaste, on essaie juste de résumer, mais toutes les responsabilités sont engagées. Et j'attire votre attention sur une façon de faire du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il donnait souvent des responsabilités aux jeunes. Lui, dès qu'un enfant avait plus de 16 ans, 15 ans, 16 ans, il ne l'appelait plus mon fils. Il ne l'appelait plus Yabunaya, mais il l'appelait Akhi, mon frère. Faites la remarque, vous le verrez dans cette façon de dialoguer avec les jeunes. Dès qu'un enfant dépasse les 15-16 ans, il ne l'appelle plus mon fils, mais il l'appelle plutôt mon frère. C'est comme s'il veut lui dire, sallallahu alayhi wa sallam, que désormais, tu es partie intégrante de la société et tu es un pilier de la société. Il faut que tu œuvres pour réussir toi-même, pour ton bien, mais aussi que tu œuvres pour le bien de tes compatriotes. Donc ça, c'est une façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je finis par cet exemple seulement. Il lui est arrivé, juste pour montrer comment il donnait des responsabilités aux jeunes. Il avait envoyé une campagne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une mission à des gens. Et il fallait qu'il désigne un émir, quelqu'un qui soit le responsable du groupe, le chef. Et pour désigner quelqu'un, il leur a simplement dit à chacun, qu'est-ce que vous maîtrisez du Coran ? Quel est votre degré de maîtrise du Coran ? Maman a terminé le Coran. Celui-là lui dit, moi je connais qu'il y a Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il lui dit, c'est bon. Il écoute quelqu'un d'autre, il lui dit, je connais telle surat. Quelqu'un d'autre lui dit, je connais telle juz autre. Mais quand un jeune, d'ailleurs c'était le plus jeune dans le groupe, il lui dit, ana ma'ya al-baqara. J'ai la surat al-baqara en entier. Le prophète, il s'est étonné de ça. Il lui dit, ma'aka al-baqara ? Tu as baqara avec toi ? Il lui dit, oui, ya Rasulallah. Il lui dit, ezak fa anta amiruha. Vas-y, c'est toi le mien, c'est toi le chef. Donc, l'exemple que j'ai donné, je veux juste dire, ce qui fait réussir les jeunes aussi, hein, qui est juste l'apothéose, la façon de couronner l'éducation, c'est de leur donner des responsabilités tôt. Chaque parent sait voir quels sont les atouts, quels sont les points forts de son enfant. Celui-là, par exemple, tu sais que parmi tes enfants, quelqu'un est fort en calcul mental. Quelqu'un a plutôt l'esprit ordonné et géométrique, symétrique. Quelqu'un d'autre est plus l'être, l'aura, les langues, etc., grammaire, conjugaison. Il ne faut surtout pas que tu envoies cet enfant qui a la prédisposition littéraire, philologue, il ne faut pas que tu l'envoies dans les domaines scientifiques. Envoie-le plutôt dans le domaine littéraire. Et il faudra des producteurs là. Celui maintenant qui a l'esprit vraiment carré, cartésien, et mathématiques, géométriques, tout ça, envoie-le dans le sciences. Une façon de faire, c'est pire à ça si tu l'as dans tes enfants, essaye de leur donner vraiment ces directions, ces lignes directrices. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que ce thème n'est pas du tout évident, on a beau en théoriser et formaliser, il ne s'est pas gagné d'avance l'éducation. Il ne faut pas qu'on se dise que c'est simple, c'est quelque chose de très difficile. Parce que ça s'inscrit dans le temps. اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلحنا أصلح أحوالنا يا أحمد رحمنا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا من المتقين إماما اللهم أخرج من هذا النسل اللهم أخرج من هذه من هؤلاء الشباب مؤمنين مستقيمين قائمين عابدين لك مقيمين لدينك مؤيدين لدينك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أخرج منهم راحمين لجميع الخلق عيالك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير، شكرا جزيلا.